et des claques, prends tes clics et des claques, wesh ta clique, on les claque. Toujours pas entouré, y'a pas nos blagues sur nos polos. Ça vient entouré, nous l'aime dans le rap, on est solo. La 130ème, c'est des clics et des claques, prends tes clics et des claques, wesh ta clique, on les claque. Balance-moi une instru de 3 punchlines dans mes brouillons. Appelons un chat qui porte ses couilles, n'est pas couillon. Trop de flûte dans le rap, les MC jouent les trompettes. Indépendant et moi j'attends. La 130ème se concrétise, tu t'es trompé de disque. Le mien tourne de main en main, de plus en plus de rap et de vrai de moins en moins. Représente mes fumeurs de Marie-Jacques, couleur marron jaune. Et non pas ceux qui clament, vive la France et mort aux jeunes. Aucun rappeur ne m'influence, attends que je tasse mon con. Moi je suis un garçon con, toi vas-y lâche ton con. Et puis s'il faut qu'il nous entende, moi c'est pas meurtrier. Je suis pas fan de mes streams, pas fan d'un meurtrier. Et si on ne te connaît pas, ne m'appelle pas par mon prénom. Tu me reconnais, j'ai pas fait de clip, capuché dans la pénombre. Que serait le monde sans la musique, que serait la guerre sans ses fusils. Ou bien même, pire encore, que serait Berre sans ses usines. Je me présente, c'est nouveau tour, vas-y fume un peu de ma rage. La chaise c'est moins toxique, comme un fumé au démarrage. La 130ème, c'est des clics et des claques. Prends des clics et des claques, wesh ta clique, on les claque. Je me présente, c'est nouveau tour, vas-y fume un peu de ma rage. La chaise c'est moins toxique, comme un fumé au démarrage. La 130ème, c'est des clics et des claques. Prends des clics et des claques, wesh ta clique, on les claque. On arrive à un égo trip, dédicace pour les bâtards. Les putes faut ralentir, plus efficace que les radars. Les résidents de France qui ont la tête pas clean. Tu peux attendre des années avant que perds ta pile. C'est facile à balade. Chance promise, chance due. Pas besoin d'une arme blanche pour savoir que mes proches tuent. Dans la vie y'a que des proches qui ne veulent pas baiser des truies. J'suis le jeune qui manque un bras, mais sache qu'on m'aille que je te détruis. J'envoie le son dans les boomers et c'est là que tu aimes. On a cramé le micro comme on crame l'actuel. C'est la haine contre la foi. C'est le sel contre le poivre. Le jour J j'te fous la honte comme les pucelles qui ont des poils. Mortel dans les barrages. Chez moi c'est panic story. Balisiano et quelques risques face à Patrick Fiori. Dans ma vie, moi je vois un noir depuis que mes rues sont assombries. Moi je rappe la vérité que chaque liberté est à son prix. On est bizarre et mon copain concret sanglant mélangé à de la nitro. La 130ème, on est pas dans. La 130ème, c'est des clics et des claques. Prends des clics et des claques, wesh ta clique, on les claque. On est bizarre et mon copain concret sanglant mélangé à de la nitro. La 130ème, on est pas dans. La 130ème, c'est des clics et des claques. Prends des clics et des claques, wesh ta clique, on les claque. Matéromate comme le mec se dans les stades. Crime, crie mon nom. Si tu vois que ça t'est pas cher, cherche, je le suis. Mais pas quand je balance des tracts. À la mort, je travaille, je vais te foutre le track. T'as compris la provenance d'où je venais. Faire les stands pour ta culture, maintenant tu connais. Si t'es perdu, demande ton chemin, je te le promets. Tous les chemins mènent chez le rageur, ça restera gravé. Ça vient des barbes, ça s'agit mon frère, au tachier. Lâche le riche en pétrole, t'as qu'à appeler Wingier. C'est le harba de minutes, personne ne veut se laisser faire. Fermez la gueule à Sarko, t'inquiète, je vais le faire. Disque autour d'un sorti du S3 et de sa zone. Comme dirait Massa, LMX, il fait l'Amazon. Kiff ma dix, c'est Delgaro, Etalik, valise automatique. De nos jours, les meufs ne veulent que la race, pas automatique. C'est le nouveau tour, vas-y, fume un peu de ma rage. La chaise, c'est moins toxique, comme un fumé au démarrage. La 130ème, c'est des clics et des claques. Prends des clics et des claques, wesh ta clique, on les claque. On est bizarre et mon copain concret sanglant mélangé à de la nitro. La 130ème, on est pas dans. La 130ème, c'est des clics et des claques. Prends des clics et des claques, wesh.